Lundi 13 mars, madame, monsieur, bonjour, voici les grands titres de cette édition. Le président du parti CNL appelle le gouvernement burundais à accélérer les travaux de construction des barrages hydroélectriques qui s'exprimaient ce dimanche lors du congrès ordinaire de ce parti. Des habitants de la zone urbaine de Ngagara en difficulté de signature des documents, ils demandent le remplacement du chef de zone. La chronique sportive de ce lundi est centrée sur l'organisation du championnat national de volleyball. Et au Mozambique, l'ouragan baptisé Freddy frappe de nouveau ce pays après son passage de fin février, ayant fait 10 morts. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akimal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page justice, et pour débuter cette édition, le magistrat ou le juge n'a pas de couleur. C'est une vocation pour l'intérêt public et non un mercenariat. En conseil donné samedi à ceci lors de l'échange de vœux entre le ministère de la Justice et le président burundais, Evariste Ndayishimiye a affirmé que c'est le travail qui génère le salaire et non le contraire. On l'écoute dans cette traduction française d'Armel Moutore. On nous avait fait croire que le problème de la justice ou de la gouvernance au Burundi était lié aux divisions ethniques. Qui vous a menti que pour vivre le droit, il fallait être Hutu ou Tutsi? On nous a fait avaler que si le corps judiciaire était composé de Hutu et de Tutsi, il deviendrait automatiquement plus performant. Pas du tout. La preuve aujourd'hui, ce corps est composé de toutes les ethnies. Est-ce pour autant qu'on peut dire que tout va bien? Ce qui démontre que l'ethnie n'est pas le nœud du problème. Nous avons oublié la notion de patrie au détriment des intérêts personnels. Aussi longtemps que vous vous identifierez par l'ethnisme ou le régionalisme, la justice burundaise aura toujours des difficultés. Être juge ou magistrat n'est pas un travail à part entière. C'est une vocation, un appel divin pour servir les autres. Si vous êtes nommé à ces postes, apprenez dès lors à adopter un comportement exemplaire. La notion d'homme de parole, ou mugabo, est culturelle au Burundi, à commencer par le roi qui prenait les devants. Analysons bien par où nous avons commencé à perdre notre identité. Nous avons commencé à être des mercenaires dans notre propre pays, nous convainquant nous-mêmes que pour servir, il fallait être bien payé. Pourtant, si vous êtes au service de la population, elle est reconnaissante et n'hésite pas parfois à vous remercier par des présents. Pourquoi voulons-nous être rémunérés alors que nous ne sommes pas productifs? Le revenu est généré par le travail. Le président burundais Evariste Ndayishimiye en page politique. Suite au manque d'électricité, le développement du pays laisse à désirer. C'est un point de vue du président du parti CNL. Il a dit ce dimanche au cours du congrès ordinaire de ce parti. Agathon Rwasa demande au gouvernement burundais de finaliser les travaux de construction des barrages hydroélectriques promis. Ainsi, ajoute-t-il, de l'énergie suffisante sera produite et les Burundais pourront vaquer aux travaux de développement. Suivez-le dans cette traduction française d'Evariste Nzikobanyang. Un quartier de la capitale économique Bujumbura peut passer une semaine sans électricité, des mois et des mois sans une goutte d'eau potable, alors que les gens payent des taxes et impôts. Il faut que le gouvernement se ressaisisse. On nous a promis des barrages hydroélectriques qui devraient nous procurer de l'électricité avant 2020. Ici, je précise qu'à Bousèze, Manda. Mais pour celui-ci, les photos nous ont montré que c'est à oublier. Où en est-on avec Kabousèze, avec Djidji Mouremgue? Doit-on toujours attendre l'aide de l'extérieur? Les travaux de construction du barrage d'Oruzimazi ont pris fin, mais celui-ci devrait être connecté au central de Djidji Mouremgue pour alimenter Bujumbura, mais sans succès. Comment donc on doit lutter contre le chômage, d'autant plus qu'il n'y a pas de l'énergie suffisante? Le gouvernement est le premier responsable qu'il entende les préoccupations de la population, qu'il fasse tout pour trouver solution aux problèmes qui nous hantent. Il faut que l'électricité soit disponible afin qu'un jeune qui tombe sur une tondeuse puisse implanter un salon de coiffure. Que le gouvernement entende le cri d'alarme de la population pour que ceux qui sont inspirés de métiers puissent fabriquer des œuvres d'art. Il faut qu'il y ait de l'énergie suffisante. Honorable Agathon Rwasa, président du parti CNL, en page de gouvernance des habitants de la zone urbaine d'Ongagara, disait éprouver des difficultés pour faire signer des documents administratifs, notamment des attestations de naissance et de résidence et autres. Cela fait suite à la suspension du chef de cette zone. Les habitants plaidaient pour son remplacement ou désignation d'une autre autorité intérimaire. Suivez ce micro-baladeur de la radio Sanganiro. Comme vous le savez, en date du 3 mars de cette année, le chef de la zone Ngadara a été suspendu de ses fonctions. Les problèmes que la population rencontre, c'est que par rapport aux documents qu'il volait du jour au jour, c'est le chef de zone qui doit signer sur ces documents. Donc, à son absence, la population reste dans une situation où ils ne peuvent trouver ces documents. Il faut procéder au remplacement de ce chef de zone pour que la population trouve ces documents dont ils ont besoin. Le problème est là, c'est juste pour demander, chercher les documents nécessaires, notamment les attestations de naissance, composé familial. Nous demandons que les autorités supérieures que désignées aillent ou bien remplaçant. Comme vous l'avez fait dernièrement, le chef de la zone, Ibenedo Kangagara, a été suspendu dans ses fonctions. Alors actuellement, il y a beaucoup de problèmes au sein de la population, surtout en rapport avec la recherche des documents éventuels. Surtout pour chercher l'enregistrement à l'état civil et des enfants, ainsi que d'autres documents administratifs que la population a besoin de jour au jour. Au chef de la zone, directement, on nous dit de se rendre au bureau de la mairie de Bujumbura. Alors, en se rendant au bureau de la mairie, vous savez que la mairie est très vaste. Alors, c'est très difficile, comme un habitant de la zone Ngagara, de savoir où se rendre dans le bureau de telle ou telle autre autorité pour chercher le document. Alors, ce que nous demandons en tant que population de cette localité, nous voulons que les autorités qui ont procédé à la suspension des fonctions de cet chef de zone, de ce chef de zone, il faut céder exactement à ce remplacement ou à désigner un autre qui va assurer l'intérim. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons environnement à 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro. Le Burundi va présider la commission des forêts d'Afrique centrale. Une déclaration ce lundi du secrétaire exécutif de COMIFA, Hervé Marcel Maïdou, lors d'un atelier sous-régional de décryptage des résultats de la COP 27 tenue à Bujumbura dès ce lundi. On l'écoute. La COMIFAC a des représentants dans chaque pays, dans le Burundi, qui seront représentés par les coordinations nationales. Notre rôle est d'appuyer les États dans l'harmonisation et la mise en œuvre de leurs politiques en matière de gestion durable et de conservation. Nous sommes réunis aujourd'hui à Bujumbura dans le cadre de l'atelier de décryptage de la COP 27 qui s'est tenue à Sharm el-Cheikh en Égypte. Chaque fois qu'il y a des sessions de négociation sur le climat, la COMIFAC réunit tous les experts de la sous-région pour se préparer de manière à avoir une position commune et aller parler d'une seule voix lors de ces négociations, pour défendre les intérêts de nos États, de nos communautés, également de notre écosystème. Et chaque fois qu'il y a ces négociations, au retour, nous ayons de décrypter ensemble, en réunissant tous les experts qui ont participé aux différentes sessions de négociation, pour décrypter, c'est-à-dire essayer de chercher à comprendre quelles sont les décisions qui ont été prises et définir des mesures par rapport à la mise en œuvre pour essayer d'améliorer la performance de gestion au niveau de nos pays et essayer de donner une autre position pour essayer de prévaloir à des financements qui pourraient intéresser la sous-région. Donc nous sommes réunis aujourd'hui à Bujumbura pour la simple raison que le pays avait en préparation pour prendre le flambeau de la présidence en exercice de la COMIFAC. La présidence en exercice, elle est rotative. Aujourd'hui, elle est assurée par la République du Cameroun depuis 2019 et aujourd'hui, le Burundi va prendre la présidence en exercice. Poursuivons cette édition. Certains jeunes fabricants différents objets appartenant à des cornes en province de Kayanza disent manquer de matériel. Innocent Nyabenda, représentant de la coopérative de Chazemouihembe, explique que malgré cela, ils ont pu innover jusqu'à plus de 250 objets. Ils demandent le soutien du gouvernement en augmentant des crédits octroyés par la Banque d'investissement des jeunes Biges et en soutien du PAEJ, programme d'autonomisation économique et d'emploi, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Le point avec Jean-Marie Mayong. Cette coopérative fabrique différents objets, dont les boucles d'oreilles, les porte-clés et les assiettes utilisées dans les ménages. Innocent Nyabenda, représentant de cette coopérative, signale qu'aujourd'hui, ils arrivent à plus de 200 innovations des objets fabriqués. Nous arrivons à 250 innovations. Nous fabriquons des assiettes, des gobelets, des porte-clés, des différentes boucles d'oreilles pour les dames. Le niveau que la coopérative de Chazemouihembe a déjà atteint est satisfaisant. Grâce au renforcement que nous obtenons, nos produits sont beaucoup aimés par la population. Le gain est qu'il y a ceux qui ont déjà acheté et même des animaux domestiques. Autre chose, il y a ceux qui ont déjà cultivé les chats de pommes de terre. Donc, ils ont acheté les plats de pommes de terre et même s'ils sont extrêmement chers. Sandrine Nishimwe, une des filles membres de cette coopérative, précise qu'elle a beaucoup gagné. Elle dit qu'elle a déjà acheté deux chèvres et des porcs. Elle invite d'autres filles à s'intéresser aux activités de développement. Depuis que j'ai commencé le métier de la fabrication des cornes et os, j'ai déjà acheté deux chèvres et porcs. L'appel que je ferai à la jeunesse, c'est qu'elle s'occupe des métiers, parce que les métiers sont beaucoup plus profitables. Innocent Nyabenda explique que parmi les défis, il y a le manque des capitaux et souhaite que le gouvernement, via PAEJ et la BIJ, augmente des crédits aux jeunes entrepreneurs. Le défi qui est là, c'est que nous rencontrons des Ougandais et des Tanzaniens dans un même marché et ils achètent à haut prix. Dans ce cas, c'est un grand défi parce que nous achetons peu alors qu'ils achètent beaucoup. Nous demandons d'abord à l'État de faciliter les coopératives qui sont en train d'être créées concernant les exigences de l'État. L'autre chose est que la banque BIJ et PAEJ facilitent ceux qui ont des projets dans le droit de crédit. Autre chose, qu'ils augmentent le nombre de gens qui reçoivent des crédits qui sont de 100 personnes pour arriver à 1000. Cela aidera aux entrepreneurs de se faire connaître. La coopérative de Chazemouihembe de la province Kayanza aujourd'hui compte 27 membres, dont les femmes et les hommes. Jean-Marie Mayonga, quittons la province Kayanza pour nous rendre en province Karusi. C'est au centre du pays où le statut du prince Louis Rwagasore a été retrouvé et détruit dans la nuit de ce dimanche à lundi. Certains des habitants de la place indiquent que le forfait aurait été commis pendant la nuit de ce dimanche et signalent que leurs inquiétudes, disant qu'ils pensaient que le lieu semblait être plus sécurisé, avoir sa localisation devant la majorité des bureaux de la province, les banques et d'autres infrastructures, y compris la permanence du parti Uprona au niveau de l'administration et la police. L'on indique que des enquêtes ont déjà commencé pour identifier les malfaiteurs et les mobiles dans tel acte. Quelques brèves en international avant de suivre la chronique sportive de ce lundi. La journée de ce lundi 13 mars marque la réouverture du Parlement tunisien 2 ans après sa fermeture par le coup de force du président Kais Saied et sa dissolution en mars 2022. 154 députés doivent siéger pour la première fois. Et le cyclone Freddy est de retour au Mozambique. Il s'est abattu sur le pays dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins un mort et des dizaines de déplacés. Pour l'instant, les dégâts sont moins importants que lors de son premier passage fin février, où 10 personnes avaient trouvé la mort, signalent les ONG sur place. Et tout de suite, la chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Place à la chronique sportive à 13h11 dans les studios de la Radio Isanganiro. Le championnat national de volleyball commence après la Ligue intérieure où 6 équipes sont habituellement prévues pour affronter celle de l'association de volleyball amateur de Bujumbura. Le général de brigade de police Serge Nakavura, président de l'association burundaise de volleyball, fait savoir que les équipes classées premières dans ce championnat national représentent le Burundi dans les compétitions internationales. Les détails, c'est dans cette chronique sportive et signée Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Le championnat national de volleyball proprement dit commence après la Ligue intérieure qui se déroule dans quatre sites se trouvant dans les différentes régions du pays. Six équipes de l'intérieur sont habituellement prévues pour affronter celles de l'association de volleyball amateur de Bujumbura à Vabe en sigle. C'est ce qu'explique le général de brigade de police Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball. Après les compétitions de l'intérieur du pays, il y aura la Ligue intérieure, il y aura quatre sites donc liés de compétition. Donc au nord, il y aura peut-être Ngozi, à l'est, il y aura Luyigi, au centre, il y aura Gitega, au sud, il y aura Makamba Ururi. Et puis, les équipes vont donc se croiser sur ces terrains qui sont dans ces endroits cités. Et puis, on va sélectionner les six premières équipes. Mais dans l'autre état, il y aura la première et la deuxième qui auront les prix et les coupes. Et puis, les six premières équipes, alors, donc, vont rencontrer les équipes de la VAB, de l'association du volleyball amateur de Bujumbura, pour en fait aller dans la deuxième phase de la compétition du championnat national. Il ajoute que pour participer dans ce championnat, les joueurs doivent être enregistrés dans le but d'obtenir les licences, chose obligatoire, dit-il. Tout d'abord, les joueurs doivent être enregistrés. Il y a les licences, et donc les licences sont obligatoires, et puis les équipes sont enregistrées. Maintenant, nous sommes... Ça allait même très loin. On va enregistrer tous les joueurs au niveau du système, donc on appelle VIS, Volleyball Information System, pour que tous les joueurs soient identifiables jusqu'au niveau de la Fédération internationale. Ouais. Le président de la Fédération burundaise de volleyball indique que les équipes qui ont été classées premières dans la récente édition du championnat national vont représenter le Burundi lors du championnat des clubs champions en Afrique prévu en Tunisie au mois de mai de l'année en cours. Les équipes quand même qui seront les premiers vont toujours représenter le Burundi et donc dans la compétition des clubs champions. Même cette année, il y aura des équipes qui vont participer en Tunisie dans le championnat de clubs champions au niveau Afrique. Maintenant, comme on est au début, c'est-à-dire on ne peut pas dire donc les prix qu'on va donner parce qu'il y a encore du temps, c'est-à-dire le mois de juin c'est trop loin. On va approcher le ministère pour que l'on puisse déterminer en fait les prix. Sinon, on ne peut pas maintenant dire que les prix donc organisé ainsi à la fête de la compétition. Dans la prochaine chronique sportive, le général de brigade de police Serge Nakavura expliquera les défis qui s'observent dans l'organisation du championnat national de volleyball et les perspectives pour une bonne organisation de ce rendez-vous sportif. Jean-Marie Vianney Ngendakouman, voilà, 13h14 dans le studio de la radio Isanganiro. S'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à François Kiman qui a assuré la mise en onde à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Tout de suite, vous suivez la revue de presse régionale avec Léonce Vitalio. Très bon après-midi à tous. À tous, au revoir. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue régionale de presse. En République démocratique du Congo, les sanctions vont se succéder dans les rangs du M23 et cette stratégie va s'amplifier. Actualité.cd écrit que la mission de 3 jours du Conseil de sécurité des Nations Unies dans ce pays a révélé les principaux éléments de la stratégie de l'ONU face aux incursions de l'armée rwandaise en soutien au M23 dans la province du Nord Kivu. L'un des leviers sur lequel compte l'organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies, qui est compétent au premier chef pour constater l'existence d'une menace contre la paix ou d'un acte d'agression, et les sanctions. Pour sa part, Radio Okapi.net mentionnait que les délégués du Conseil de sécurité de l'ONU ont encouragé dimanche 12 mars le processus diplomatique et politique pour mettre fin à la crise dans l'est de la RDC. Ils l'ont exprimé lors d'une conférence de presse à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Ces diplomates onusiens ont condamné le soutien de Kigali au M23 et exigé que cela cesse. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a abordé la semaine dernière un sujet qui a mis mal à l'aise les économistes et les responsables gouvernementaux d'Afrique de l'Est, la pénurie de dollars. Comme on peut le lire dans les colonnes du journal The Citizen, la présidente Samia a déclaré mercredi, je cite, « Ne vous laissez pas tromper, l'économie tanzanienne est meilleure que nos voisins. C'était, selon notre confrère, pour calmer la nervosité en Tanzanie, que l'économie souffrait durement de la sécheresse, de l'inflation, de la dette croissante et d'un affaiblissement potentiel de la monnaie locale. Nous avons des réserves de devises étrangères pour durer 4 mois, dit-elle, mais si vous allez chez nos voisins, ils n'ont même pas de réserves pour durer 1 semaine. Nous recevons des demandes pour garantir leurs importations de carburant. Fin de citation. The East African écrit que Kiir et Machar ont mis le Soudan du Sud sur les nerfs alors que les querelles politiques s'intensifient. Vendredi soir, le Soudan du Sud attendait le règlement d'une pièce de monnaie tournante à la suite d'une réunion entre le président Salva Kiir et le premier vice-président Riek Machar dans le cadre des efforts visant à apaiser les tensions résultant du limogeage controversé de certains responsables gouvernementaux. Le secrétariat du mouvement de libération du peuple soudanais de Machar, SPLM-IO, a déclaré que la réunion s'était terminée par des résultats fructueux. Le ministre des Affaires présidentielles, Barnaba Marial Benjamin, a déclaré que les deux principaux avaient discuté de l'état de l'accord de paix revitalisé en ce qui concerne le récent échange des ministères. Le président Kiir et le docteur Machar se sont rencontrés au palais présidentiel de Juba après que le SPLM-IO a déclenché une tempête suite au limogeage de la ministre de la Défense Angelina Teny, qui est également l'épouse de Machar, le 4 mars. Au Kenya, le chef de l'Union de la Déclaration d'Unité, Raila Odinga, a annoncé une campagne pour commencer à boycotter les produits de certaines des entreprises du pays associées au gouvernement dirigé par le président William Ruto. À lire le journal Mwananchi, Odinga a déclaré que les entreprises ont coopéré avec l'administration kenyane de Kwanza pour saboter les partisans de la déclaration et demander aux partisans de boycotter la consommation d'œufs afin de montrer leur rébellion contre l'administration du président Ruto. S'adressant à ses partisans lors d'une réunion publique tenue dans le comté de Migori le 10 mars, Odinga a clairement indiqué qu'ils entamaient une campagne pour rejeter un par un les produits et services des entreprises associées au gouvernement local. Fin de cette revue régionale de presse. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Léonce Bitalio. Restez branchés, le programme continue.